7, 11. Observation, forme masculine et féminine, voyelle nasale et dénasalisée. Révision et extension. Masculin, 1. Féminin, 1. Brun, brune. Fin, fine. Masculin, masculine. Féminin, féminine. Africain, africaine. Tunisien, tunisienne. Bon, bonne. Ces formes masculines se terminent par une voyelle nasale sans consonne ne. Aux formes féminines, la voyelle n'est plus nasale. Elle est dénasalisée et elle est suivie d'une consonne ne, voire le son 4.